6-9 calibre, on va entendre parler de nous. C'est pour les frères, les un coup du bitume, méga scandale. Tienzo Biscan, 9-5 représente, qu'est-ce qu'il y a. Ce morceau c'est pour les frères, les un coup du ghetto, les produits guet-apens qui font leur possible pour pas se faire attraper. Vive des vives et font des bises, mais malheureusement, trop gourmand par les lois se font trop vite rattraper. Mais pourtant, tu sais que dans ton casier, tes faits et mauvais gestes ne sont pas écrits à la craie. Il est temps pour toi d'arrêter avant de te faire affréter un aller simple pénitencier. C'est pour ceux qui kiffent, compter les bifs, le coup posé dans un fauteuil, nique la police et s'en bat les couilles. Pour tous mes assauts de victimes de l'oppression qui savent surmonter les embûches et ça malgré la pression. Qui évitent les forces de l'ordre qui viennent foutre le bordel dans leurs affaires. Toi-même, tu sais. Pour les gangsters qui lâchent pas l'affaire et qui ne se laisseront pas faire. Ce soir-là, c'est pour les frères, les accrédités, c'est pour tous les groupes. Que la prison est vraie. Il y a trop vrai pour tous les vrais, pour tous les mecs du bitume qui tous les jours sont sur le front et crient pour ramasser des thunes. Ce sont là c'est pour les frères, pour tous les acolytes, pour tous les enragés victimes de l'oppression. Tous les mains de la rue, pour les victimes du système, c'est un problème qui vivent un enfer dans la zone. Mais pour en survivre, sur les mecs, là, les mecs de la rue, génération flinguée, les dingues qui cherchent des thunes, mais pour des prunes, pour être flingués, marginal jusqu'à l'os et gris, plus qu'arrogant, beaucoup trop violent dans la street, et comme dans le free fight, frappe sans gants, et qui frôle le pire trop souvent, mais c'est la loi car la rue tue. Une belle jeunesse révoltée, qu'on a rien à foutre de tout, car on veut tout sans rien. Et rien, tout, un point, c'est tout. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. On risque de finir sous écrou. C'est pour nos frères, les agents urbaines, les victimes du système qui tous les jours se démêlent pour vivre dans quel que soit le domaine. Les malotrus, les mecs honnêtes, les vendeurs de barrettes, les mecs en taux qui purgent de lourdes peines de fleurir au beau maître. Alors respect à tous ceux-là qui mettent des trains de vie mouvementés, qui sont dans tous les moves chelous, tant qu'il y a chose qu'elle a gratté. Tous ceux qui rêvent de baisse et beaucoup de pèse, qui veulent tous se mettre à l'aise, qui foutent le buzz et font du bise. Et les mecs ont ce sont là, c'est pour les frères, les accrédités, c'est pour tous les groupes que la prison est vraie. Il y a trop vrai pour tous les vrais, pour tous les mecs du bitume qui tous les jours sur le front et crime pour ramasser des thunes. Ce sont là c'est pour les frères, pour tous les acolytes, pour tous les enragés victimes de l'oppression. Les mains de la rue, pour les victimes du système, c'est un problème qui vivent un enfer dans la zone. Mais pour en survivre se démène. Ce sont là c'est pour les racailleux, pas pour les cailleux, mes aïeux. C'est du pur produit de banlieue. C'est pour tous les excités qui passent leur temps à la cité. Jamais de lassitude et remplis de mauvaises habitudes. C'est pour vous les garnements, toujours en rendez-vous, toujours en garde à vue, au tribunal ou bien même en prison. Tous ceux qui ont des couilles mais les tavaient, attention gare à vous. Bah c'est pour ma thèse, pour mon équipe, pour les nôtres et nos proches. Les mecs qui s'accrochent à la vie, même si ici la rue te fauche. Tous ceux qui sont fâchés, qui ont dans leur poche, y'a pas de cash. Les excités qui portent leur couille en cas d'embrouille, et ceux qui crachent sur les FN. Vendre en forêt, toujours au P pour foutre la caille. Pour tous les démunis, et même pour ceux qui foutent de la maille. En gros, c'est pour le bon le zar, victime de l'oppression. Garçon, vas-y, lève ton poing en l'air, négat scandale, dédie ce son. Ce son là, c'est pour les frères, les accrédités, c'est pour tous les groupes que la prison est vraie. Il y a trop vrai pour tous les vrais, pour tous les mecs du bitume qui tous les jours sont sur le front et crient pour ramasser des thunes. Ce son là, c'est pour les frères, pour tous les acolytes, pour tous les enragés victimes de l'oppression. Les mains de la rue, pour les victimes du système, c'est un problème qui vivent un enfer dans la zone. Mais pour en survivre, se démêlent. Ce son là, c'est pour les frères, les accrédités, c'est pour tous les groupes que la prison est vraie. Il y a trop vrai pour tous les vrais, pour tous les mecs du bitume qui tous les jours sont sur le front et crient pour ramasser des thunes. Ce son là, c'est pour les frères, pour tous les acolytes, pour tous les enragés victimes de l'oppression. Les mains de la rue, pour les victimes du système, c'est un problème qui vivent un enfer dans la zone. Mais pour en survivre, se démêlent. Ce son là, c'est pour les frères, les accrédités, c'est pour tous les groupes que la prison est vraie. Il y a trop vrai pour tous les vrais, pour tous les mecs du bitume qui tous les jours sont sur le front et crient pour ramasser des thunes. Ce son là, c'est pour les frères, pour tous les acolytes, pour tous les enragés victimes de l'oppression. Les mains de la rue, pour les victimes du système, c'est un problème qui vivent un enfer dans la zone. Mais pour en survivre, se démêlent.